Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bienvenue à toutes et à tous pour ce 27e épisode de la mécanique des ondes sur fréquence protestante, trois quarts d'heure, pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Aujourd'hui, je reçois une journaliste qui n'est ni devant ni derrière le micro, mais qui écoute, qui décortique les émissions et affûte sa plume pour rédiger sa critique presque toutes les semaines dans Télérama et sur Télérama.fr. Bonjour Aude Dassonville. Bonjour Cécile. Alors, ne soyez pas impressionnée, ne vous inquiétez pas. D'habitude, c'est vrai, vous prenez votre stylo ou votre clavier pour écrire. Là, c'est juste le micro. C'est un peu ce dont vous parlez tous les jours sur Télérama. Voilà, je vais pouvoir critiquer après. Exactement. Attention, on va bien se tenir. Question traditionnelle, la première question, vous êtes au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Alors oui, forcément, j'habitais un petit village du nord de la France et nous avions notre radio associative qui, à cette époque-là, enfin, nous servait surtout à dédicacer des disques aux copines le dimanche soir et d'entendre son nom cité et la dédicace citée. Pour moi, c'est ça, les radios associatives, c'est ça les débuts, tout simplement. Alors, c'était quoi le nom de cette radio ? Ah mon Dieu, je ne sais plus. Bon, bah écoutez, on va bien la retrouver, hein, mais une radio associative dans le Nord, voilà. Oui, est-ce qu'elle en avait un de nom ? Je ne sais pas. Peut-être le nom du village uniquement, je crois. Bon, d'accord. Alors, justement, cette radio associative, elle vous a donné envie de faire de la radio, ou en tout cas de parler de radio ? Alors, pas de faire de la radio, non, ça jamais. Mais en revanche, elle participait évidemment de l'ouverture au monde, quoi. Là, évidemment, c'était l'ouverture un peu au village et aux gens du coin. Mais pour moi, la radio, c'est ça. C'est avant tout la possibilité de voyager sans changer de pièce, sans quitter sa maison, ce qui n'était pas forcément facile, hein, justement, à la campagne. Donc non, c'est la radio, c'est juste voilà, avoir les yeux grands ouverts sur tout ce qui se passe autour de nous. Donc voilà. Alors on lit dans votre biographie, Aude Dassonville, vous êtes titulaire d'une licence de lettres modernes et vous êtes diplômée de l'école supérieure de journalisme de Lille. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir dans le journalisme ? Je crois que c'est en fait la volonté vraiment d'être une médiatrice, voilà, médiateur. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a intéressée, la possibilité de rencontrer des gens qu'on n'est pas censé rencontrer dans la vraie vie, aller dans des lieux où on n'est pas autorisé et pouvoir après raconter, transmettre et pouvoir dire non mais vous savez c'est des gens comme les autres qui décident, qui nous gèrent, qui nous dirigent, etc. Ce sont des gens comme les autres avec des doutes, avec la faim, je sais pas, enfin, des tas d'émotions, etc. Et voilà, c'était pouvoir transmettre ça, pouvoir être au milieu et faire du lien en fait. Donc c'est pour moi, c'est ça le journalisme. Après, je crois qu'il y a une autre explication. C'est-à-dire que toute petite, quand mon père racontait un peu ses années de jeunesse, il racontait ses années d'auditeur libre à l'école de journalisme de Lille. Et je pense qu'en fait, ça a planté des graines très profondes dans mon cerveau. Et donc, une fois la prépa littéraire faite, et voilà, il fallait aller à la fac pour valider son diplôme. Mais j'avais que ça en tête, c'était quand même d'intégrer l'école de journalisme de Lille. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tenté le concours et c'était parti. Alors, en école de journalisme, on touche à plusieurs médias. Oui. Votre choix se fait assez rapidement sur l'écrit ? Alors, en fait, oui. En fait, je suis venue aussi pour ça, pour le plaisir de manier la plume et de s'interroger sur les mots, voilà, les triturer dans tous les sens, aller dans le dictionnaire, en découvrir d'autres, trouver des équivalents. Et voilà, oui, effectivement, c'était plutôt les mots. Et d'ailleurs, je me souviens de premier papier radio où il fallait faire un reportage. Je me souviens, c'était au moment de Noël et aller voir un magasin de jouets et décrire... et d'écrire tout ce qu'on y voyait. Voilà, c'était un papier un peu ambiance Et je me souviens qu'en fait, on m'avait dit, mais il y avait trop de mots dans ma chronique, je n'allais pas assez à l'essentiel. Et moi, j'avais mis des iridescents et des tas de mots pour dire que les poupées brillaient de partout et tout ça. Et non, vraiment, on m'avait dit qu'il y en avait trop. Donc la radio, voilà, ça semblait pas aussi bien parti que la presse écrite, peut-être. Et ensuite, je dois dire que on fonctionnait par groupe. Et dans mon groupe, je passais juste derrière un certain Thierry Dagg, qui est aujourd'hui journaliste au Parisien, qui voilà, on était dans la même promo, et qui avait une voix de velours, un ton posé, une écriture simplissime, claire, directe. Il était fantastique. Et donc à chaque fois qu'on nous faisait le compte rendu, on nous donnait nos notes et je passais toujours derrière lui. Et c'était très dur parce que c'était Thierry, ce que je comprenais tout à fait parce que c'était un excellent travail. Mais il fallait passer derrière. Et je passais derrière et c'était Aude. Ouais, c'est mieux, Aude. Mais bon, d'accord. Donc j'avais compris, c'était pas pour moi. Et alors, à cette école de journalisme, c'est pareil. Je pense qu'on découvre aussi les thèmes qu'on veut aborder éventuellement dans sa future vie de journalisme, de journaliste. Qu'est-ce que vous découvrez? Alors non, je dirais que non. En école de journalisme, on apprend à faire effectivement de la télé, de l'agence à l'époque, du secrétariat de rédaction, la presse écrite, de la radio. Mais non, pour la spécialisation sur les thèmes, soit vous l'avez en vous et finalement c'est comme ça que vous proposez vos sujets. Voilà, quand vous êtes en télé ou en radio, je vais aller voir un tel parce que je veux faire de la politique, je vais aller voir le maire de truc. Voilà. Mais sinon, non, c'est quand même très très vaste. Et en plus, quelquefois, on fonctionne aussi par session, par exemple culturelle ou société, etc. Donc, en fait, on traite absolument tous les domaines. Et après, oui, c'est quand vous avez des travaux un peu plus personnels, vous allez. Mais en l'occurrence, en ce qui me concerne, j'avais pas d'idée préconçue sur l'endroit où je voulais aller. À l'époque, j'avais fait déjà un stage à Télérama parce que ça faisait partie des médias dont on rêvait tous, hein, enfin avec Libération en tête de liste évidemment. Mais j'étais revenue assez déçue. Je sais aujourd'hui pourquoi, parce que c'était juste la semaine de Noël, la semaine où on a un numéro double, où le journal est à moitié fermé, où il n'y avait absolument personne. Donc je me dis, ça bouge pas beaucoup à Télérama, mais c'était une vision vraiment très très fausse. Et donc voilà, et après je sais plus, on est obligé de faire des stages en presse locale aussi, où on traite absolument de tout. Donc j'ai oublié votre question, mais en fait non, on se spécialise pas encore sur les domaines. Et d'ailleurs, quand je suis sortie d'école, je suis allée au Monde et c'était au service société, donc j'avais une problématique de société. Et en fait, quand je suis allée ensuite à Libération, c'était le service média. Et là, à partir de là, je n'ai plus fait que ça, du média, de la télé, des radios, etc. Mais finalement, c'était un petit peu le hasard. J'aurais très bien pu continuer en société ailleurs si après Le Monde, ou même si au Monde on m'avait gardé, ou si après Le Monde j'avais intégré un autre service société ailleurs. Ça, il y a des gens qui viennent au journalisme, par exemple, notamment par la politique. Et c'est par exemple le et cas beaucoup cet objectif. Voilà, et c'est par exemple plus les élèves du CFJ à l'époque, en tout cas à Paris, la filière royale, c'était un peu Sciences Po et CFJ Paris. À Lille, on avait des profils vraiment plus diversifiés. Il n'y avait pas que du Sciences Po, il y avait des langues LEA, il y avait de l'histoire, il y avait des lettres modernes, etc. Donc c'était des profils plus variés et ça se retrouve après, finalement, dans les carrières, une fois que les gens sont sortis d'école. Alors, Aude, c'est déjà le moment de la première pause musicale. Je voulais savoir, vous avez choisi quoi? Alors, Alex Baupin. Parce que Alex Baupin, c'est une des premières personnes rencontrées à Paris en arrivant, voilà, pour le travail. Et donc voilà, mon cœur continue de battre pour Alex et je suis très très très attentive à tout ce qu'il fait pour lui-même, mais aussi son travail avec Christophe Honoré, bien sûr. Et puis, par exemple, Les gens dans l'enveloppe avec Isabelle Monin, vous savez, qui est sortie à la rentrée dernière, où il a fait chanter les protagonistes du livre d'Isabelle, qui était moitié enquête, moitié fiction. Donc voilà, je fais attention à tout ce qu'il fait. Et il sort un nouvel album, là, très prochainement. Et là, vous avez choisi le single. Ça s'appelle Van Gogh. Je préfère préférais l'orage et dès qu'il faisait beau, c'était comme une ombre au tableau. Je voyais un naufrage derrière chaque bateau. Je préférais l'hiver, les couleurs de l'été. J'ai jamais pu les encadrer. J'étais le solitaire, le veuf, l'inconsolé. Oui, mais comme a dit le peintre à l'oreille coupée, avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour, la tristesse a passé son tour. J'aimais les natures mortes, j'aimais les clairs obscurs. Je peux plus les voir en peinture, le diable les emporte, ils ont quitté mes murs. Alex Baupin avec Van Gogh, c'est le premier choix de Aude Dassonville. Vous êtes dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. Alors, Alex Baupin, il va être en concert à la Cigale. Aude, ne le manquez pas, hein, le 29 et le 30 mars prochain. Et si vous l'avez vraiment manqué sur ces deux dates, il reviendra le 18 mai. Et puis le nouvel album, donc, qui s'appelle Loin, il va sortir le 25 mars. Alors Aude, on vous a laissé à l'ESJ de Lille, l'École supérieure de journalisme de Lille. Vous la quittez après un stage définitif où on vous dit on vous garde? Non, c'est une école, voilà, le diplôme est validé au bout de 2 ans et à l'époque, je sais pas si ça fonctionne toujours comme ça, mais à l'époque on nous trouvait les fameux stages où on allait faire nos premiers pas. Quelle chance. Ouais, quelle chance, exactement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se prennent en main pour trouver eux-mêmes leur point de chute, leur premier point de chute. Et voilà, ça s'est plutôt pas trop mal passé pour moi, puisque je suis arrivée au monde, au service société, donc dans mes petits souliers, avec des gens très très bien, très impressionnés. Enfin, moi, j'étais très très impressionnée. Et j'y suis restée 1 an et demi. Enfin, le stage, c'était les 2 mois d'été, mais... On a pu continuer en pige. C'était un tout petit peu difficile au début et puis assez vite il y a eu la fameuse grève de 95 qui m'a donné la possibilité de faire des reportages, de faire durer aussi mon temps de présence là-bas, hein, parce que c'est quand même un petit peu, enfin c'est la vie de pigiste, voilà, qui est un peu compliquée. Et puis après j'ai enchaîné à nouveau sur des contrats. Et puis, au bout d'un an et demi, voilà, ça s'est arrêté. La légalité a respecté quand même un petit peu pour ces histoires de contrat. Et puis, j'ai enchaîné à Libération, au service média. Et à partir de là, je n'ai plus cessé de m'intéresser à la vie de nos télévisions, de nos radios, de la presse à un moment. Et voilà. Libération, au service média, on vous propose ce poste, vous y allez, vous avez un intérêt Alors là c'est pareil, c'est encore la chance qu'on a avec l'école, c'est qu'à l'école on avait des super intervenants qui venaient de la presse nationale. Pas seulement, mais beaucoup. Et Odile Beignet-Acquider, qui dirigeait alors le chef du service, qui dirigeait le service média, avait entendu parler de moi à l'école. Et donc, quand elle se retrouve, elle en panne, elle l'apprend, je ne sais pas comment, mais elle apprend que moi, mon stage, ma participation au Monde va s'arrêter. Et voilà. Et elle me reçoit chez elle. Étant même en congé en maternité, pour tout dire, mais il fallait qu'elle continue de faire fonctionner son service. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Libération. Alors justement, vous découvrez quand même, couvrir les médias en tant que média, c'est pas facile non plus. Alors, c'est pas facile et en fait on évolue beaucoup avec les années, parce qu'effectivement à ce moment-là c'est difficile, c'est à la fois difficile d'être critique puisqu'on est quand même que débutant et en même temps on a aussi cette naïveté de se dire mais oui je peux le faire et je peux critiquer et je peux dire du mal de ces gens que je connais pas. Alors c'est pas dire du mal évidemment, mais dire qu'un fonctionnement peut être délétère, par exemple, dans une rédaction. Je me souviens notamment d'un sujet, à l'époque, sur Europe 1, et avec Jérôme Bellet, qui avait un petit peu la réputation d'être difficile, d'être aussi un peu misogyne, etc. Et par exemple, voilà, j'avais aucun problème. J'avais interviewé, je crois, une quinzaine de journalistes de la maison pour savoir. Il y avait un vrai rétame malaise à l'intérieur. Et voilà, j'avais quand même fait cet article qui, évidemment, lui avait beaucoup déplu. Il n'était pas du tout agréable. Je me souviens que voilà, on démarre, je suis même pas tellement au courant de ce qui se passe à Libération, si ça se trouve il y a des critiques heureuses, alors c'était pas le cas, mais si ça se trouve il y a aussi des critiques à faire à l'intérieur de Libération. Et je me retrouve à critiquer ce qui se passe à l'intérieur d'un autre média avec donc ce Jérôme Bellet qui est quand même très très impressionnant, qui m'appelle assez vite pour me convoquer dans son bureau, pour me faire les gros yeux et faire un mouvement de, je me souviens très bien, un mouvement de son fauteuil roulant vers une petite armoire qu'il y avait derrière lui. Il ouvre la porte de l'armoire, il sort la brochure de l'école de journalisme et il me dit « De toute façon, vos sources, je les connais toutes ». Et il feuillette le catalogue des élèves de l'école de journalisme en étant persuadé évidemment que j'ai appelé mes copains anciens stagiaires, les CDD, etc. Ouais. Et évidemment, c'est pas du tout le cas puisque eux-mêmes sont débutants éventuellement à l'intérieur d'Europe 1 et ils ne connaissent pas encore tous les problèmes qui peuvent exister dans la maison. Ils peuvent avoir entendu parler d'un truc ou deux, mais voilà. Donc en fait, il faut être aussi un petit peu. C'est un moment un peu difficile où en tout cas, il faut être béton sur l'enquête, voilà, parce que sinon on n'y va pas. Enfin voilà, oui. On n'y va pas avec un fusil vide. C'est ce que j'allais vous dire, parce que quand vous allez voir des journalistes d'une rédaction, hein, c'est quand même très compliqué. Les médias, on sait que voilà, il y a beaucoup de sentiments, il y a des sentiments à fleur de peau. On travaille quand même dans les médias, donc c'est compliqué à gérer. Vous, en tant que jeune journaliste, au début, vous arrivez, enfin, alors, excusez-moi du terme, faut être un peu couillu au début pour aller décrocher le téléphone et aller chercher les infos. Alors, je sais pas si c'est couillu, c'est juste un moment, on sait qu'il se passe un truc, voilà, on se parle tous. Et il faut enquêter. C'est pas couilleux, c'est-à-dire que sinon on peut pas écrire. Donc au contraire, on se blinde et on multiplie les coups de fil, etc. Puis après, si jamais on se trompe de vision, on a quand même un chef de service et en l'occurrence Odile Bézian-Couidère qui est aujourd'hui au Canard Enchaîné. Voilà, elle n'était pas née de la dernière pluie de naissance, je pense d'ailleurs chez elle, parce que voilà, elle était quand même très très exigeante. Et donc en fait, non, c'est pas couillu. Au contraire, on a beaucoup la trouille et le meilleur moyen de vaincre la peur, c'est bien d'enquêter, de multiplier les sources et d'aller y compris vers les gens qui auront un propos complètement différent. Donc c'est le moment, et voilà, en plus je voudrais ajouter une chose aussi, c'est que c'est un moment où il faut beaucoup protéger les gens qui osent parler. Mais s'ils osent parler, c'est aussi que la situation est arrivée à un point insupportable, quoi. En fait, je dirais que le moment où il y a le plus d'émotions, c'est plutôt dans les grèves. Les grèves de l'audiovisuel public, parce que sinon on en connaît assez peu ailleurs. Mais c'est à ce moment-là où il y a le plus d'émotions et où finalement il faut être, faut faire attention pour pas être dans l'empathie. Beaucoup plus que pour des moments où il y a un problème déontologique qui surgit quelque part. Ouais. Et vous avez effectivement, si vous parlez de grève, vous avez sûrement suivi celle de Radio France, évidemment. Oui. Exactement. Ouais, et voilà, effectivement, pareil, il faut aller sentir l'ambiance, aller faire des interviews. Voilà, et il y avait énormément de passion, de fait, l'année dernière. Et non seulement ça se constatait sur place, mais évidemment aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les facilités de vous joindre sur le portable, via Twitter, par mail, on trouve l'adresse mail tout de suite. Ce qui fait que les gens à l'intérieur de Radio France, mais plein de gens que je connaissais pas avaient quand même besoin d'en parler et donc envoyer des messages par tous les moyens possibles. Et donc au-delà du simple reportage et du papier qui suit, c'était permanent. C'était permanent. Honnêtement, j'avais plus de soirées, plus de week-ends, parce que tellement les gens avaient besoin de parler. Et c'était fou parce qu'à chaque fois qu'il y avait, un compte rendu, du nager, ou je sais pas, les avancées d'une discussion, ou l'arrivée du médiateur, ou ce qui se passait au ministère, etc. Et ben à chaque fois, je peux vous dire que j'avais des réactions immédiates, le moindre tweet, etc. Ça réagissait tout de suite. Donc là, du coup, c'était un vrai chaudron d'émotions qui était assez impressionnant, tout ça. Alors qu'il faut quand même garder son sang-froid, et tout le monde ne va pas garder son sang-froid. Je dis pas. Mais je vais désigner personne. Mais il y a quand même eu des articles, des emballements un petit peu qui étaient pas forcément honnêtes à certains endroits, ou en tout cas qui étaient un tout petit peu exagérés. Et alors que c'est un moment où l'heure est grave finalement, donc il faut faire vraiment attention. Il faut garder un certain recul. Il faut réussir à le garder, oui. Et surtout pas être monosource, pour le coup. Et puis apparemment, vous aviez de quoi faire. Ah ouais, il y avait de quoi faire. Bah, ça a duré quand même un mois, je vous rappelle que c'est quand même la plus longue de l'histoire de Radio France. Alors, avant de passer à votre deuxième pause musicale, je voudrais revenir sur la suite de votre parcours. De janvier à juin 1999, vous êtes enquêtrice à l'émission Arrêt sur image. Oui. Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Vous étiez enquêtrice, vous passiez pas à l'antenne. Si, nous étions deux demoiselles. Et donc nous passions à l'antenne une semaine sur deux, sauf évidemment quand les dossiers de l'une ou de l'autre devaient se croiser, mais sinon globalement c'était une semaine sur deux, une demoiselle qui... Non mais je rigole, mais parce que ça a été assez compliqué et on s'est pas vraiment entendu avec Daniel Schneiderman, je crois que c'était... Les murs ont tremblé un certain nombre de fois tellement on s'entendait pas. Mais et en plus, y avait quand même, je dis ça, les petites mains, oui, effectivement, il y avait Daniel qui présentait, il y avait Benoît Van de Steen qui avait sa chronique, il y avait voilà. Et nous, les filles, on était là pour apporter le fruit de notre enquête. Le dispositif, on en avait parlé à mon arrivée, mais était un peu critiqué pour l'aspect un peu misogyne des choses, mais bon, voilà. C'est pour ça que ça n'a duré que 6 mois. Alors pas du tout pour l'aspect misogyne des choses, parce que de fait à l'intérieur c'était pas le cas, mais ça a duré que 6 mois parce qu'on avec Daniel on s'est pas entendu, on va dire. La télé, ouais, voilà, c'était pas mon truc, faut savoir parler, et on peut constater que j'ai quelques difficultés. Faut savoir aller attraper la parole. C'était la guerre aussi en Bosnie, et je me souviens par exemple que je devais beaucoup décrypter la télé serbe, alors pendant un moment évidemment, mais pour une émission, et typiquement, alors j'étais avec un traducteur, on regardait la chaîne, on traduisait tout ce qui se passait pour essayer de trouver des choses qui étaient diffusées là-bas. Et on avait eu une fois un invité qui nous racontait, oui, mais ce que vous dites là, c'est pas spécifique. Enfin, c'est spécifique, c'est pas comme ça tout le temps, etc. Et je me souviens que Daniel m'avait disputé à la sortie de l'émotion. Oui, vous passez des heures à regarder la télévision serbe, et vous auriez dû le remarquer. Oui, mais enfin, moi, je regarde que ce qui se passe là ces semaines-ci, mais quand il parle de ce qui se passait l'année dernière, l'année d'avant, je n'en sais rien. Enfin, c'était pas possible. Donc, voilà, c'était à la fois la difficulté de l'exercice et de travailler aussi avec Daniel, mais aussi la difficulté de prendre la parole sur un plateau. Et certaines personnes savent faire ça très facilement. Moi, c'est pas mon cas. Donc, la télé, je trouve ça très, très difficile. Et j'ai l'habitude de dire que je réfléchis avec les doigts. Donc, écrire un papier assez vite, c'est pas du tout un problème. En revanche, verbaliser, c'est... Pourtant, vous en avez refait de la télé après. Vous en avez refait de la télé après sur Paris Première. Ouais. Alors, mais c'était deux fois plus dur, puisqu'on était 6 chroniqueurs télé. Il y a des gens qui adorent ça. On dit qu'ils bouffent le micro, qui ont envie d'apparaître, etc. Et qui peuvent broder sur un propos pendant un certain temps. Moi, j'étais admirative. Mais alors moi, au bout de 30 secondes, ce que j'avais à dire, je l'avais dit. Et je voyais pas pourquoi je le répéterais. Et dit, pourquoi on en ferait tout un flanc? Et je pouvais... Non, mais je vous assure, c'était assez comique, hein. Mais et en même temps, c'était un défi à chaque fois, en fait, pour moi. Et en même temps, je disais, est-ce qu'elle dit là? Je viens de le dire. Mais sauf qu'une autre personne pouvait faire 3 minutes, avoir la bonne formule, faire durer les choses, etc. Donc voilà, donc la télé, c'était pas pour moi. Mais franchement, j'y allais à chaque fois, effectivement, comme un défi, en me disant, bon, cette fois-ci, c'est bon, cette fois-ci, j'y arrive. Bon, alors, deuxième pause musicale, Aude Dassonville, vous avez choisi quoi? Benjamin Biolay. D'accord, avec Palermo. Oui, c'est le dernier titre aussi. C'est mes chanteurs préférés sortent des disques en ce moment, qu'est-ce que vous voulez? Ah, ça tombe bien. Se lève enfin. Palerme Hollywood avec Benjamin Biolay, c'est le deuxième choix musical d'Aude Dassonville. C'est l'invité ce mois-ci de la Mécanique des Ondes. Aude Dassonville, vous parliez, vous avez fait de la télé. Bon, vous étiez pas très très à l'aise. Oui, puis on peut compter, je pense, sur les doigts des deux mains, le nombre de participations. Hein. On tournait, on était quelques-uns et j'avais un autre collègue du Parisien, à l'époque j'étais au Parisien, qui participait aussi. Alors justement, vous avez un regard quand même sur les médias. Je voulais avoir un peu justement votre avis sur les journalistes maintenant, qui sont plurimédias. On voit Nagui sur France Inter, également sur France 2, Patrick Cohen qui passe sur France 5 et qui est sur France Inter également tous les matins. Ce paysage audiovisuel finalement, il change et ses parcours, ils changent également. Ce qu'on voyait pas vraiment avant. Alors, mais c'est vrai que, on va dire au début, jusqu'au début des années 2000, la radio fonctionnait pas forcément en termes de stars. Il y en avait évidemment, mais qui étaient devenus stars justement par leur présence à l'antenne. Mais par exemple, vous aviez Hervé Berrou qui présentait par exemple le journal de 8 heures, je crois. À l'époque, il faisait pas les culs de bus comme aujourd'hui les journalistes le font. Enfin. Et en fait, je pense que le phénomène, c'est tout simplement la volonté d'exploiter une notoriété. C'est-à-dire, puisque un tel a déjà une notoriété, bah nous, on va peut-être attirer plus facilement les gens parce que machin est déjà connu, a déjà fait d'autres choses, les gens vont pouvoir le resituer. Et d'ailleurs, au Parisien, justement, quand j'ai commencé à faire des articles radio, parce que j'écoutais énormément, et je sais que les premières réponses, puisqu'au Parisien, c'est un journal populaire, les premières réponses étaient « Oui, mais on sait pas qui c'est. » Bah si, on sait qui c'est, des tas de gens l'écoutent, 1 million de gens l'écoutent chaque matin, ou 2 millions si c'est autour du journal de 8 heures, etc. Des tas de gens savent, mais ils connaissent pas forcément leur tête. Et c'était une première bagarre au départ, c'était de dire ça. Donc, que les radios et les télévisions s'échangent des têtes, ou les accumulent, finalement, c'est pas étonnant. C'est ce besoin de se rassurer et de se dire, je pars pas avec un inconnu et à qui je devais donner une émission, une participation, une chronique. Alors vous êtes, vous le disiez là juste à l'instant, vous êtes passé au Parisien, aujourd'hui en France, ensuite évidemment vous êtes retourné un petit peu à la télévision. Vous avez Non, c'était chroniqueuse en tant que le Parisien. Enfin, d'accord. Voyez, mon étiquette, mon expertise, elle ne valait que pour ça. Si j'étais journaliste dans la rue, je ne serais pas allée à cette émission de présentée par Philippe Bourdel. C'est uniquement, on est là, on est censément expert, censément spécialiste, parce que on travaille à l'époque, moi je travaillais au Parisien. J'ai pas fait de la télé en dehors de la presse écrite, quoi. Oui, vous aviez toujours votre rôle de journaliste de presse écrite. Au cours de l'été 2010, j'ai envie que vous m'en parliez. Vous êtes co-créatrice de l'émission Médiabolique diffusée sur France Inter. Oui, une longue histoire, oui. Ah bah allez-y, je vous écoute. Alors, non mais c'est cet appétit pour les médias qui est réel, hein, même si au départ à Libération c'est le hasard, mais j'adore ça et j'adore m'intéresser à tout ça. Et avec un collègue du Parisien qui n'y est plus. Nous avions élaboré un projet une fois d'émission de télévision autour des médias. Kappa a fini par en faire une relativement approchante, mais qui n'a pas forcément marché. Mais on s'était amusé à faire ce projet-là et à aller le proposer. Et on avait aussi fait un projet d'émission médias pour la radio et qu'on avait proposé à Jean-Luc Hesse à l'époque où il dirigeait France Inter. Et il nous avait répondu fort justement avec un sourire aimable que de toute façon il avait déjà une émission présentée par Marc-Olivier Fogiel le samedi midi. Hein, c'est vrai que c'était bien. C'est un bon argument. C'est un excellent argument. Et puis voilà, l'histoire s'arrête là. Mais nous on est déjà très très contents d'avoir élaboré notre truc, réfléchi notre truc. On s'est amusé comme des gamins dans leur chambre quand ils font une émission de radio. Vous voyez, c'était exactement la même chose. Et puis quelques années plus tard, Jean-Luc Hesse est président de Radio France et recroise mon collègue, on n'était plus collègues du tout, on était dans deux médias différents, et le recroise, il dit « Ah dis donc, tu n'avais pas présenté un truc là il y a quelques années, vas-y, parle-en à Philippe Val qui dirigeait France Inter ». Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et alors qu'on était co-créateur de l'émission, mon journal a préféré que je sois plutôt chroniqueuse que qu'autre chose. Donc je me suis contentée de faire une chronique par semaine pendant 10 semaines cet été-là sur France Inter. On arrivait à 6h du matin le samedi en août. Vous voyez, absolument personne nulle part. Et en même temps, on s'est Alors, je dis, on s'est éclaté, mais on dit ça après, parce que tout était fantastique, même de traverser Paris à 6h du matin en voiture pour ramasser les uns les autres, arriver à la radio. Mais rien que ça, c'était fantastique. Mais c'est là aussi où vous apercevez ce que vous, enfin, vous constatez ce que vous savez déjà, c'est que c'est un métier. C'est-à-dire que écrire un papier, voilà, je n'avais pas dû m'améliorer depuis l'école de journalisme. Oui, mais vous pouviez les écrire avant vos papiers. Et alors c'était écrit évidemment et en fait j'ai la première fois où le rouge s'est allumé, je peux vous dire qu'il restait juste ma bouche reliée à quelque chose au fond du ventre et c'était tout, tout le reste c'était dissous dans la trouille, dans la peur et j'ai fini par trouver du plaisir enfin à la 8e émission. Là, on se dit yes, il en reste deux, c'est quand même pas dommage. Mais et en même temps un vrai plaisir à transmettre quand même quelque chose et ce plaisir aussi qu'on soupçonne pas forcément évidemment quand on est auditeur, mais d'être dans la bulle du studio avec un casque, entendre sa voix, c'est il y a quelque chose de du terrain là-dedans, je sais pas, c'est ce qui est qui est une sensation fantastique. Alors Aude Dassonville, ça fait 4 ans, un tout petit peu plus de 4 ans que vous êtes à Télérama. Vous y êtes rentrée comment? Eh bien, tout simplement, un coup de fil sur mon poste fixe à l'époque, parce que à Télérama, voilà, il y avait eu quelques départs en juin donc 2011, et le service radio avait été vraiment décimé, c'est-à-dire que toutes les personnes qui constituaient le service radio quittaient le journal. Donc, une nouvelle chef a été nommée, une jeune femme qui était pigiste et qui aujourd'hui ma chef a été embauchée à ce moment-là, quelques deux mois avant moi. Et à l'époque, ils cherchaient un profil donc de journaliste, peut-être plus de quotidien effectivement, avec l'idée de faire davantage d'articles sur le web, donc faire du papier, l'hebdo et le web. Et donc c'est tombé sur moi, puisque effectivement au Parisien, tout me plaisait pas hein, dans la rubrique média, mais comme tout le monde, il y a des sujets plus difficiles. Je veux dire, parler des jeux à la télévision, par exemple, c'est très compliqué. Il faut vraiment être passionné. Et moi, ça l'était pas. Il y a des animateurs, quand on sait pas quoi leur demander, c'est un peu compliqué. Et moi, je m'étais effectivement plus ou moins spécialisée sur la radio. Et pas seulement les histoires d'audience qui arrivent 4 fois par an. Ça, moi, j'avais un collègue qui était déjà très bon pour ça. Puis après, on l'a fait à chaque fois ensemble. Mais aussi sur les contenus radio, j'écoutais plus de radio, je pense, que d'autres. Et donc, du coup, plus d'idées de sujets. Et voilà, je m'étais un peu spécialisée là-dedans. D'où le repérage effectué par Télérama. Donc, vous arrivez dans un service où, voilà, vous vous passionnez déjà pour le média, vous avez déjà votre réseau et vous allez proposer des articles. Et alors voilà, et avec mon apport à moi, c'est-à-dire que à Télérama, il y a évidemment un tropisme, en tout cas une proximité très grande entre nos lecteurs et les auditeurs de Radio France, il ne faut pas se leurrer. Donc effectivement, j'arrive au milieu d'une équipe qui connaît déjà extrêmement bien toutes les antennes de Radio France. Et moi, au Parisien, évidemment, je les connais, j'ai celles que j'aime, etc. Mais je connais aussi très bien les antennes d'Europe 1, de RTL, de RMC, puisque ce sont des antennes et des présentateurs dont je parlais dans Le Parisien. Donc voilà, j'arrive avec aussi ça dans mon sac, ce pan-là, et donc avec la volonté aussi de dire, mais vous savez, il y a des chouettes choses aussi, les Carnets du Monde sur Europe 1, c'est une super émission, Le Journal Inattendu par Marie Drucker sur RTL, elle fait ça super bien, enfin voilà, donc avec, mais voilà, il n'y avait pas forcément le réflexe de les écouter, ces radios. Et voilà, je suis arrivée, j'ai pu proposer, et quand c'est bien, tout le monde est d'accord, hein, ça s'entend. Alors évidemment, on vous retrouve au gré de vos articles, au gré de vos portraits. Là, le dernier, si vous n'en sortez pas d'ici la diffusion de cette émission, puisqu'elle est enregistrée, je ne le cache pas, c'est le dernier, c'est avec Georges Lang, oui. Qui est venu effectivement dans ce studio. Je voulais aussi parler des photos, puisqu'elles sont toujours très très intimistes dans vos articles, en particulier sur le web, où vous pouvez en mettre un petit peu plus. Effectivement, c'est la touche un peu Télérama, ça. Ouais, ça c'est, ça reste une spécificité, comme finalement le traitement de la radio dans un magazine reste très spécifique à Télérama, bah, peut-être même de plus en plus. Mais la radio, c'est le cas aussi effectivement. Il faut que on s'efforce en tout cas que la photo raconte aussi quelque chose, que ce soit aussi une signature de la part d'un photographe. Et donc c'est très important de respecter le moment entre le photographe et l'animateur pour qu'ils puissent s'inventer s'inventer la photo, quoi. Alors, on vous retrouve toutes les semaines, soit dans le magazine papier, soit dans le magazine, soit sur Internet. Mais on va vous retrouver également dans un livre d'Assonville très, très bientôt. Oui, alors ça, c'est la vie parallèle, effectivement. Je sors le 16 mars un livre, une enquête sur TF1 en collaboration avec Jamal Hini de BFM Business. Et voilà, c'est chez Flammarion et ça s'appelle TF1 Coulisses, secrets et guerre interne. Voilà, et guerre interne. Pourquoi, en une phrase, allez, pourquoi ce livre ? En une phrase, parce que j'ai avant Télérama, je traitais de tous les médias. Et y a une proposition aussi qui est venue de la part de la maison d'édition. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Après tout, un livre, c'est aussi un fantasme de journalisme, de journaliste. C'est juste 6 mois en plus après le départ de Claire Chazal. Alors, vous aviez commencé avant à travailler sur ce livre, oui, avant son départ. Oui, bien sûr. Oui. C'est une enquête qui nous a pris un certain nombre de mois, effectivement. Et plein de choses sont arrivées sur les derniers temps. Le départ de Claire Chazal, le rapprochement avec Newen, la société de production, le départ de Nonce Paolini qui est remplacé depuis la fin février par Gilles Pélisson. Oui, il s'est passé plein de trucs. À découvrir donc le 16 mars chez Flammarion TF1 Coulisses, secrets et guerre interne. Alors, eh ben on va passer tout de suite au questionnaire rapide. La mécanique des ondes. Alors, j'ai une question. La première question de ce questionnaire rapide est spéciale pour les invitées féminines. Aude d'Assonville, une femme de radio qui pourrait être votre modèle ? Waouh, c'est compliqué parce que moi je suis une fan absolue de Pascal Clark. Voilà, vous connaissez par cœur, etc. À la voix reconnaissable. À la voix fantastique, à une façon de sa façon aussi de fouiller les gens sans aller trop loin, mais de leur permettre de libérer une parole. Je trouve ça fantastique. Et sinon, on verra, vous lirez peut-être prochainement un article sur Claire Servageant qui présente le 13h de France Inter depuis un certain nombre d'années. Et par exemple, c'est aussi sa façon de créer un journal d'une demi-heure avec autant d'intelligence, avec une telle précision des mots, etc. Ça aussi, c'est fantastique. Alors, vous voyez, il y en a une qui est très connue, il y en a une qui l'est beaucoup moins et c'est pas juste. Mais c'est deux façons de faire de la radio qui sont assez magiques. Après, il pourrait y en avoir plein d'autres, honnêtement. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Ah, c'est Europe 1. C'est Europe 1, la radio, vous voyez, la radio des parents qui, sans doute, s'étaient mis à écouter voilà, la radio des yéyés, quoi. Et qui est restée très longtemps la radio unique à la maison. Et pour nous aussi, donc, pensez, le top 50, Coluche, etc. C'était Paris qui arrivait en province, c'était super. Quelle radio vous réveille le matin ? Question compliquée, puisque... Et puis, mais non, mais je zappe beaucoup, forcément, à cause de mon métier. Et en plus, ça dépend des horaires. C'est-à-dire que s'il est 6 heures, je vais aller écouter tout de suite le démarrage de Thomas Soto. Si je me réveille plus tôt, je vais aller écouter la petite matinale de France Inter chez Stéphane Carpentier. Vous voyez, et après, si c'est 7 heures, bon, je vais me mettre tout de suite sur France Inter. Après, voilà. Après, la salle de bain, il y a deux radios, donc ça dépend. Aux toilettes, ça s'allume. J'allume les toilettes, ça s'allume en même temps sur France Info. Enfin, vous voyez. J'aime beaucoup. Voilà. Mais en même temps, c'est à la fois une passion et mon métier, donc oui. Ça s'explique. Oui, j'imagine. Quelle radio vous endort le soir ? En ce moment, parce que là aussi ça change. En ce moment, j'écoute beaucoup Vanessa sur Beurre FM. Parce que je trouve qu'elle a une force, une capacité à répondre à ses auditeurs qui est absolument fantastique. Et c'est de la bagarre à peu près tous les jours quand même pour elle. Enfin, j'ai l'impression. J'espère aller la voir bientôt, justement. Et je trouve ça fantastique. Le travail qu'elle fait est très compliqué, mais c'est très fort. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? En voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Je ne sais pas si ça arrive. Parce que même dans le métro, on peut mettre les podcasts. Donc, je ne sais pas. Un meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir dans votre... Alors je reviens à ce que je disais sur Europe 1. C'est pas forcément le meilleur, mais c'est là où c'est la force de la radio. Je me souviendrai évidemment toute ma vie du moment où sur Europe 1 on apprend la mort de Thierry Sabine et Coluche et Daniel Balavoine, pardon, je parlais Coluche tout à l'heure. Et voilà. Et d'un coup, c'est la déflagration. Et ça, je sais pas si maintenant aujourd'hui on a les alertes sur le téléphone, donc je sais pas si ça restera et ça existera parmi les jeunes générations. Mais moi, c'est ça, c'est la radio, c'est la vie qui s'engouffre. Et notamment cet événement-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Et le pire souvenir? Le pire souvenir, je sais pas, c'est un jour où j'étais au micro. Aude Dassonville, on termine par la dernière question. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Vous qui l'écoutez, vous qui la critiquez. Alors ouais, mais dans ce cas-là, j'en aurais beaucoup. C'est difficile de. Il va falloir choisir. Ouais. Non, mais je veux pas donner de leçons non plus. Mais en tout cas, ne pas s'écouter. Il y a trop de gens, je trouve, qui s'écoutent, qui sont peut-être amoureux de leur voix. Ce que je comprends, encore une fois, le dispositif aide beaucoup à ça. Le casque, voilà, s'écouter, le silence du studio. Mais en même temps, justement, quand les gens s'écoutent, ça s'entend de l'autre côté du poste et ça et peut devenir désagréable. Et justement, ils n'écoutent plus et ils ne parlent plus à leurs auditeurs. Plus assez et on entend un rôle, alors que la radio, justement, pour moi, c'est quelque chose de au contraire, qui est très sain, très direct. Et quand on entend un rôle, voilà, la radio perd de sa force. Merci beaucoup, Aude Dassonville. C'est moi qui vous remercie. C'était un exercice un peu difficile pour vous. Je le comprends, mais oui, on vous retrouve par écrit tout le temps et pas au micro. Mais là, c'était bien de vous écouter quand même un petit peu. Ben merci, c'était un cadeau en fait. C'est pour ça que je suis venue. Je trouve que vous avez une très très jolie collection et j'ai trouvé que ça ressemblait à un cadeau. Merci encore. De la part d'une journaliste de Télérama, je crois que je peux clore là-dessus. Toutes les émissions, je vous le rappelle, vous les écoutez sur le www.lamecaniquedesondes.com et sur le site de la radio www.fréquence.com. À très bientôt.